Excusez-nous de ce petit retard. Fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de Somme et Crédit, dont voici les grands titres. Un pays qui implante une ambassade dans un autre pays vise ses intérêts diplomatiques ou économiques. Vous allez écouter l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya. Il est encore notre invité du journal. Des animaux comme antilopes qui étaient en disparition marquent actuellement leur présence à la réserve naturelle de Kirundo. La chronique de Somme et Crédit parle de la reconnaissance des crimes commis par les membres d'un autre groupe. Voilà pour les titres. Vestine Boutou suis à la présentation et Meto Samite vous assure la mise en onde. Rebonjour. Les magistrats et les avocats peuvent recourir aux conventions internationales ratifiées par le pays lors de l'accomplissement de leur mission. Propos du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et CNIDH, Somme et Crédit, lors d'un atelier de formation à l'endroit des avocats et magistrats de la zone sud et sur l'usage des normes internationales dans la procédure et décision de justice. Dr Sixte Vignini Muraba, président de cette commission, indique que ces outils internationaux priment sur les lois internationales. Écoute-le. Nous nous sommes rendus compte que dans le jugement, peu de fois on fait allusion au droit international humanitaire, peu de fois on fait allusion aux normes du droit international des droits de l'homme, alors qu'on connaît que ces lois peuvent être complémentaires aux lois nationales. Donc on l'a organisé pour équiper ces personnes qui sont des professionnels du droit pour qu'ils puissent être informé qu'il y a d'autres outils qui peuvent être complémentaires aux activités qu'ils sont en train de mener. Donc on va les aider pour qu'ils puissent toujours faire allusion à ces lois aussi et à ces normes internationales lors de leur procédure de prise de décision. Les lacunes, ça peut s'observer d'autant plus que dans la plupart des jugements, on fait seulement allusion au texte national et alors qu'on devait aussi faire allusion au droit international et même au texte international parce que on connaît qu'il y a les textes internationaux qui, une fois ratifiés, ont une suprématie vis-à-vis des lois nationales. Échanger sur le respect des prix des produits comme sucre, ciment et produits de la Prairie fixés par le gouvernement était à l'ordre du jour dans une réunion de Somme et Crédit à l'intention des grossistes de la commune Mukaza. L'administrateur de cette commune, Renova Cindy Heboura, les a invités à respecter les prix annoncés et éviter des spéculations. On écoute. Pour le ciment, nous avons décidé que chaque commerçant grossiste doit se faire recenser au niveau de l'administration locale dans le quartier auquel il opère. Et également, il doit donner impérativement son produit au prix qui ne dépasse pas 24 500 tel que fixé par le gouvernement. Nous avons également ordonné aux chefs de quartier et aux responsables policiers qu'ils doivent veiller que personne d'autre ne puisse pas exercer cette activité, sauf les commerçants qui reçoivent ce produit à partir de la société qui produit le ciment qui est la Bousseco. Donc, sauf pour ceux qui importent ce produit à partir de l'étranger, pour d'autres, nous avons pris la mesure de stopper d'abord pour que cette spéculation puisse se terminer. Les commerçants qui reçoivent le ciment à partir de la Bousseco doivent le distribuer eux-mêmes à la population et ils doivent dresser une liste de ceux qui ont reçu ce produit pour vérifier que ce ne sont pas des commerçants clandestins qui ont reçu ce produit. Et pour le cycle, on a constaté que maintenant la situation est stable, mais aussi on a demandé aux responsables locaux de continuer à suivre la commercialisation de ce produit pour que la pénurie qui a été observée ces derniers jours ne puisse pas se répéter. Pour les boissons Brarodi, on a recommandé que les prix soient respectés et également que les commerçants grossistes qui se font en même temps des détaillants, donc qui devraient donner ces produits aux détaillants, mais qui ça donne l'autorisation de tenir des cabarets pour commercialiser ce produit, qu'ils doivent arrêter cette activité, éviter d'être en même temps grossistes et détaillants. Pour établir une ambassade d'un pays dans un autre, et tout pays vise des intérêts diplomatiques, politiques et économiques. Explication du président Sylvestre Ntibantunganya, ancien ministre en charge des Affaires étrangères et chef d'État du Burundi. Selon lui, l'ambassade d'un pays peut être fermée suite au manque de moyens, aux tensions diplomatiques ou à la réorganisation diplomatique d'un pays. Suivez le président, l'ex-président Sylvestre Ntibantunganya qui sera l'invité du journal. La diplomatie d'un pays peut s'organiser selon plusieurs critères et facteurs. Il peut y avoir d'abord des critères de proximité géographique et généralement vous allez trouver qu'un pays a toujours des missions diplomatiques accréditées chez lui au niveau des pays voisins. Regardez par exemple le Burundi, on a une ambassade de la Tanzanie à Bujumbura, on a une ambassade du Rwanda, on a une ambassade de la RDC, on a une ambassade du Kenya, de l'Ouganda. Ce sont des pays voisins avec lesquels on a beaucoup à partager. Mais ça peut être lié aussi à l'histoire. Je crois par exemple que parmi les pays qui ont établi des missions diplomatiques au Burundi en premier lieu après l'indépendance, il y a eu la Belgique à cause de relations qu'on avait avec la Belgique qui assurait la tutelle. Mais il y a aussi des ambassades qui peuvent être implantées à cause de la stratégie diplomatique de puissance des pays qui installent ces ambassades. Et généralement, vous allez trouver qu'il y a des pays dans le monde qui ont des ambassades un peu partout, notamment ces grands pays, entre guillemets, les États-Unis d'Amérique, la Russie, Chine, la France, sont des pays dont on voit les ambassades un peu partout. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h04 au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Plus de 4000 vaches d'Horace Frison, des coopératives de lait et de riz. Tels sont certains des biens qui seront laissés par le Prodéfi 1 aux populations bénéficiaires des 6 communes de la province Ngozi couvertes par ce programme. Tademan Lakiza de l'Accord, une ONG partenaire du programme de développement des filières, conseille ses bénéficiaires de garder jalousement son don en vue de continuer la lutte contre la faim, même après le départ de Prodéfi 1 vers la fin de cette année. Apollinaire Mozagar. Parmi les biens qui seront donnés à ces habitants des communes Gashikanwa, Ngozi, Mumba, Lororo, Tangara et Busiga, figurent 4175 frisons en effectif qui pourraient être revus à la hausse d'après Tademan Lakiza de l'Accord, car certaines vaches auront déjà mis bas vers fin décembre à la clôture des activités du Prodéfi 1. Il y a aussi 12 coopératives de riz et une mini-riserie, 3 coopératives de lait et une unité de transformation, plus de 1000 hectares dans 13 marais bien aménagés et autres. Des formations visant la bonne gestion de son don seront dispensées également à ses bénéficiaires d'après son cadre de l'accord. Il indique que l'encadrement de ces populations sera assuré concomitamment par le personnel du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage et l'administration après la fermeture des activités du Prodéfi 1. Lui ainsi que certains des bénéficiaires contactés affirment que ce programme a sensiblement aidé à la réduction de la pauvreté dans ces communes. Ingénieur Tademani Lakiza demande une bonne gestion de son don, surtout de ses marais aménagés et ses vaches pour la pérennisation de la chaîne de solidarité bovine en vue de lutter efficacement contre la famine. Donc aussi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mozagara. Certains animaux sauvages d'espèces des mammifères comme les antilopes qui étaient en disparition dans la réserve naturelle et mourir de la province de Kirundo marquent actuellement leur présence. Constat de Diomède Manario, responsable provincial chargé de la protection des aires protégées et des lacs du Nord, qui s'inquiète toutefois des braconniers qui tendent des pièges à ces animaux pour les attraper. Abraham Safar, correspondance. La réserve naturelle de Murehe en commune de Busoni de la province de Kirundo, ayant une superficie de 3075 hectares, présente actuellement de la faune qui était en disparition il y a des années suite à la population qui s'était donnée des propriétés à l'intérieur de cette dernière. Manario Diomède, responsable provincial chargé de la protection des aires protégées et les lacs du Nord, signale que certains animaux de l'espèce des mammifères, comme des antilopes, sont actuellement visibles. D'autres comme les lièvres, les reptiles, les oiseaux se remarquent également. Ce responsable déplore toutefois du comportement de certains braconniers qui font des pièges à ces animaux pour les consommer. Il demande à cet effet aux agents de la protection des aires protégées d'être vigilants et surtout en collaborant avec la population résidente auprès de cette forêt, sans oublier l'administration afin de stopper cela. Diomède Manario fait savoir que compte tenu de la situation de la faune dans cette forêt, il espère que bientôt les touristes vont commencer à faire des visites. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. La non-consommation de 30% d'eau et 18% d'électricité, 70% du personnel de la régie des eaux sans performance, ce sont des défis auxquels fait face la régie des eaux, constat du ministre de l'Énergie et Mines, Ibrahim Ouizeye, lors d'une réunion à l'endroit des chefs des différents services de la régie des eaux ce mercredi. Selon lui, ces défis handicapent les activités de cette entreprise. Et quittons notre pays pour se rendre à l'extérieur du pays. En RDC, la police assure que durant les 7 derniers mois, le taux de criminalité a baissé grâce au renforcement des patrouilles et à la collaboration de la population. Selon le site de la Radio France Internationale, la société civile a un avis contre elle. Pour elle, l'insécurité est toujours persistante. À Lubumbashi, chaque jour, elle enregistre des cas de cambriolage, accompagnés parfois de meurtres et de viols. Comme je le disais dans les titres, nous avons l'invité de ce journal et qui est l'ex-président de la République du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. À la source, interview. Président Sylvestre Ntibantunganya, bonjour. Oui, bonjour. Sylvestre Ntibantunganya, vous avez été ministre en charge des relations extérieures et président de la République du Burundi. Qu'est-ce qui pousse un pays à établir une ambassade dans un autre pays? La diplomatie d'un pays peut s'organiser selon plusieurs critères et facteurs. Il peut y avoir d'abord des critères de proximité géographique et généralement vous allez trouver qu'un pays a toujours des missions diplomatiques accréditées chez lui au niveau des pays voisins. Regardez par exemple le Burundi, on a une ambassade de la Tanzanie à Bujumbura, on a une ambassade du Rwanda, on a une ambassade de la RDC, on a une ambassade du Kenya, de l'Ouganda. Ce sont des pays voisins avec lesquels on a beaucoup à partager. Mais ça peut être lié aussi à l'histoire. Je crois par exemple que parmi les pays qui ont établi des missions diplomatiques au Burundi en premier lieu après l'indépendance, il y a eu la Belgique à cause de relations qu'on avait avec la Belgique qui assurait la tutelle. Mais il y a aussi des ambassades qui peuvent être implantées à cause de la stratégie diplomatique de puissance des pays qui installent ces ambassades. Et généralement, vous allez trouver qu'il y a des pays dans le monde qui ont des ambassades un peu partout, notamment ces grands pays, entre guillemets, les États-Unis d'Amérique, la Russie, Chine, la France. Ce sont des pays dont on voit les ambassades un peu partout. Quel est le rôle d'un ambassadeur ou d'une ambassade dans un autre pays? L'ambassadeur représente généralement le chef de l'État auprès de la puissance, auprès de laquelle, vis-à-vis de la puissance auprès de laquelle il est accrédité. Et évidemment, il est en relation, j'allais dire, permanente, régulière, avec bien sûr le chef de la diplomatie de ce pays, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères ou de relations extérieures, ça dépend des terminologies qu'on utilise. Mais généralement, l'ambassadeur est le président de le pays qui est incarné, bien sûr, par le chef de l'État. Et c'est pourquoi c'est en fait le président de la République qui accrédite les ambassades, les ambassadeurs au pays des pays, auprès des pays avec lesquels et le pays dont question entretient des relations. Est-ce que une ambassade peut être fermée ou suspendue? Je pense qu'il faut que les gens qui suivent connaissent effectivement les mécanismes qui prévalent. Et un diplomate, qu'il soit le chef de mission, qu'il soit les autres fonctionnaires, et au niveau d'une mission diplomatique, a un mandat. Au niveau, par exemple, du Burundi, son mandat est de 4 ans. Et après le mandat, il est rappelé au siège. Et donc, ça, c'est une des procédures typiquement administratives, tout simplement. Président Sylvestre Ntibantunganya, nous vous remercions. C'était l'ex-président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. Il était au micro de Elini Berenibigira. Et en chronique, la culture ainsi que la crainte des poursuites judiciaires contre les membres de son groupe sont certaines des raisons qui poussent les gens à défendre les membres de son groupe, même lorsqu'ils sont responsables des crimes quelconques. Lambert Hakuziaremye, socio-anthropologue, indique que le fait d'avouer la responsabilité de ses compères permet d'éviter la globalisation. Mais cet élément sonore n'est pas encore disponible et il sera disponible dans nos éditions ultérieures. Ainsi s'achève alors cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint-Mitebouti pour sa collaboration technique et Vestine Boutoujité à la présentation. Au revoir, bon après-midi.